seul comme en exil, comme un naufragé sur son île, comme le funambule sur un fil. Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on a eu tort, c'est se croire en vie, même quand on est mort, c'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa faute. Seul parce que l'amour a changé de camp, c'est des cris de peine, mais qui les entend. Seul parce qu'on n'a pas su lire entre les lignes, qu'on n'a pas voulu regarder les signes, parce qu'on écoutait sans jamais le croire. Quand l'amour s'en va, c'est toujours trop tard. Seul c'est une nuit qui n'en finit pas. C'est une aile sans lui, c'est un toit sans moi. Seul, comment équilibrer? Parce qu'on est libre, seul comme une histoire sans son livre. Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on a eu tort, c'est se croire en vie, même quand on est mort. C'est abandonner sa chance à un autre, sans jamais pouvoir oublier sa faute. Seul parce que l'amour changer de camp, c'est des cris de peine, mais qui les entend? Seul parce qu'on n'a pas su lire entre les lignes, qu'on n'a pas voulu regarder les signes, parce qu'on écoutait sans jamais le croire. Quand l'amour s'en va, c'est toujours trop tard. Seul c'est une nuit qui n'en finit pas. Si tu n'es sans lui, c'est un toi sans moi. Seul parce qu'on a tout pris, parce qu'on